Le vieillard et ses enfants. Fable numéro 18 des Fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert. Le vieillard et ses enfants. Toute puissance est faible à moins d'être unie. Écoutez là-dessus l'esclave de Phrygie. Si j'ajoute du mien à son invention, c'est pour peindre nos mœurs et non point par envie. Je suis trop au-dessus de cette ambition. Phèdre enchérit souvent par un motif de gloire. Pour moi, de telles pensées me seraient malséant. Mais venons à la fable, ou plutôt à l'histoire, de celui qui tâcha d'unir tous ses enfants. Un vieillard, près d'aller à la mort, l'appelait. « Mes chers enfants, » dit-il, à ses fils il parlait, « voyez si vous romprez ces dards liés ensemble. Je vous expliquerai le nœud qui les assemble. » L'aîné les ayant pris et fait tous ses efforts, les rendit en disant, « Je le donne au plus fort. » Un second lui succède et se met en posture, mais en vain. Un cadet tente aussi l'aventure. Tous perdirent leur temps, le faisceau résista. De ces dards joints ensemble, un seul ne s'éclata. « Faibles gens, dit le père, il faut que je vous montre ce que ma force peut en semblable rencontre. » On crut qu'il se moquait. On sourit, mais à tort. Il sépare les dards et les rompt sans effort. « Vous voyez ?» reprit-il, l'effet de la concorde. Soyez joints, mes enfants, que l'amour vous accorde. Tant que dura son mal, il n'eut autre discours. Enfin, se sentant prêt de terminer ses jours, mes chers enfants, dit-il, je vais où sont nos pères. Adieu. Promettez-moi de vivre comme des frères. Que j'obtienne de vous cette grâce en mourant. » Chacun de ses trois fils l'en assure en pleurant. Il prend à tous les mains. Il meurt. Et les trois frères trouvent un bien fort grand, mais fort mêlé d'affaires. Un créancier saisit. Un voisin fait procès. D'abord notre trio s'en tire avec succès. Leur amitié fut courte autant qu'elle était rare. Le sang les avait joints. L'intérêt les sépare. L'ambition, l'envie, avec les consultants, dans la succession, entrent en même temps. On en vient au partage. On conteste, on chicane. Le juge, sur 100 points, tour à tour, les condamne. Créanciers et voisins reviennent aussitôt, ceux-là sur une erreur, ceux-ci sur un défaut. Les frères désunis sont tous d'avis contraire. L'un veut s'accommoder, l'autre n'en veut rien faire. Tous perdirent leurs biens et voulurent trop tard profiter de ces dards unis et pris à part. Fin de la fable numéro 18, Le vieillard et ses enfants. Cet enregistrement fait partie du domaine public.